Comme beaucoup de primates, les babouins vivent en bandes organisées. Le babouin individuel ne se sent en sécurité qu'à l'intérieur de cette bande. Dominé par quelques mâles qui en assurent la défense.